Notre Dieu est tout puissant, notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est tout puissant, notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est tout puissant, notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est tout puissant, notre Dieu est merveilleux. Oh, oh, oh. Notre Dieu est tout puissant, puissant. Notre Dieu est merveilleux. Merveilleux. Notre Dieu est tout puissant, notre Dieu est merveilleux. De la poussière il retire les pauvres, du fumier il relève l'indigent. Tête devant ceux qui me complotent. Notre Dieu est tout puissant, notre Dieu est merveilleux. Oh, oh, oh. Notre Dieu est tout puissant, puissant. Notre Dieu est merveilleux. Merveilleux. Notre Dieu est tout puissant, notre Dieu est merveilleux. Quand je pleure, il me console. Quand je tombe, il me relève. Notre Dieu est tout puissant, notre Dieu est merveilleux. Il essuie mes larmes, il pardonne mes fautes. Notre Dieu est tout puissant. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est tout puissant, notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est tout puissant, notre Dieu est merveilleux. Devant lui les chaînes tombent, les montagnes s'écroulent. Notre Dieu est tout puissant, notre Dieu est merveilleux. Les maladies tombent, les emboutements s'écroulent. Notre Dieu est tout puissant, notre Dieu est merveilleux. Éternel,